suis ce jour-là rencontré Johanna, juste avant qu'elle ne change. J'ai chanté pour elle avant que poussent ses petites ailes d'ange. Oh, puis les cris de sa mère m'ont déchiré le cœur. Mais que dire face à l'injustice, à l'insondable douleur? J'ai voulu à ce moment-là serrer mes filles dans mes bras. Il ne restera que souffrance de ce passage sur terre. Était-ce une délivrance? Je ne sais pas, mais j'espère que lors de son dernier quart d'heure, j'ai soulagé sa douleur. Et c'était juste l'horreur. Rien ne doit transparaître, juste la compassion. Je suis professionnel, aguerri à mon âge. Juste une chanson qui soulage le désordre intérieur. Mais c'était juste l'horreur. On ne peut se nourrir de la détresse des autres, mais voyons un destin qui devant vous se montre. C'est un bilan personnel, on en devient presque cruel. Car notre vie est belle, quand pour d'autres c'est juste l'horreur.